Jeudi soir, 9 février, il est 10h et vous écoutez Les Amateurs de Mac. Bonsoir! Bonsoir tout le monde, bienvenue aux Amateurs de Mac. Bonsoir, ce show de questions-réponses où vous posez des questions et nous, on essaie d'y répondre. Avec moi ce soir, j'ai à ma à votre gauche, j'imagine, Vincent. Bonjour Vincent Miller. Salut Alexis, ça va bien? Oui, toi? Oui. Passe une bonne semaine? Oui, très bien. Oui. Dans deux petites secondes, tu veux nous parler de la mise à jour de Mac, de l'application Mac Québec, mais avant, on va aller revoir mon ami ici, Bernard Ouellet. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, pas mal. Passez une bonne semaine? Oui, à date, ça va bien. Excellent. Moi, j'aurais des coups de dose et des coups d'os à donner, mais bon, on n'est pas dans le podcast Mac Québec, donc je vais me retenir, mais je vais quand même me donner un coup de dose parce que le premier que j'ai fait, je l'ai donné à des gars qui étaient en train de faire un podcast et de diffuser, en fait, la bêta de Diablo 3. Et ce que je disais, en fait, c'est que c'était un peu nono de le faire s'il était sous NDA. Puis je m'étais un petit peu obstiné sur Twitter, à savoir, eux autres, ils trouvaient que vu que tout le monde le faisait, je vais le faire moi aussi, tout ça. Je trouvais ça un petit peu nono, mais finalement, il n'y avait pas de NDA, donc ils avaient le droit de le faire. Donc, le coup de dose va à moi pour avoir gueulé. Mais le point est quand même que s'il avait été sous NDA, il n'aurait pas dû le faire. Fait que c'est ça. Vincent, tu veux nous parler de ton application, de l'application de Mac Québec, en fait? Oui, on a une mise à jour là, qui est sortie, je dirais, après le podcast de la semaine passée. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler, parce que je me suis dit, si jamais il ne publie pas pour X raisons, ben je ne veux pas donner de faux espoirs à personne. Comme la fonction de Tethering pour les Américains que tu as mis dedans gratis puis que le kit. Ouais, genre, c'est ça. Qui est caché, qui est camouflé, mais il ne faut pas le dire parce qu'Apple va retirer l'application. Ouais. Non, mais ça a été bien accepté, là, tout fonctionnait bien. Sauf qu'il y avait juste une petite fonction de partage des articles qui, au départ, fonctionnait bien, mais dans la programmation, j'avais changé quelque chose puis j'avais pas fait le test. Puis ben le partage des articles fonctionnait plus bien, donc j'ai fait une petite mise à jour à 2.0.1. Mais toute nouvelle interface, vous pouvez entre autres lire vos articles hors ligne une fois que vous les avez téléchargés, donc ça fonctionne très bien. Les podcasts, donc il y a deux sections, les amateurs de Mac Bonsoir, le podcast de Mac Québec, qui sont en AAC. J'avais eu d'ailleurs des commentaires des bêta-testeurs. Il y en a certains qui téléchargeaient rapidement le podcast, d'autres non, à cause du format AAC. Si vous voyez que c'est très lent, faites-moi des commentaires, écrivez-moi. S'il y a beaucoup de personnes qui ça les dérange, je vais changer ça puis je vais mettre ça en MP3. Donc, ça prend quelques secondes, puis là, ensuite, le podcast commence. C'est sûr que je veux quand même pousser du AAC parce que vous allez voir les chapitres, ces choses-là. Mais si vous trouvez ça désagréable, évidemment, on va l'enlever. Ou sinon, c'est ça, la section Mac Québec Entraide qui est ajoutée aussi. Oh. Cool. Mais c'est un lien vers le site, là, parce qu'il n'est pas encore mobile, donc je ne peux pas faire grand-chose non plus, mais il est quand même disponible là. Section contact facile, donc bouton rédaction, là, vous pouvez nous contacter facilement, ou le support encore facilement là, dans la même section si vous avez un problème avec l'application, ou des commentaires, quoi que ce soit. Là, donc c'est ça. Excellent, on est très content d'avoir l'application. Je pense que tu en as fait une aussi pour l'excellent podcast Trois bières aussi, ça se peut-tu? Oui, mais c'est sorti la semaine passée. OK. À peu près dans le même temps, là, je pense 2-3 jours après. Mais oui, ils m'ont approché pour me demander un peu. Puis j'ai écouté un podcast. J'avais jamais écouté avant, puis je sais pas pourquoi, ça a comme pas tombé. Puis finalement, écoute, c'est un très, très bon podcast que vraiment, je vous le suggère là, fortement. C'est très bon. C'est trois personnes qui parlent de trois sujets différents avec trois bières. De trois marques de bières différentes. Ouais. Non, normalement, c'est pas mal toujours la même affaire, mais bon, c'est des sujets que vous pouvez envoyer à l'équipe là, par Twitter ou par, par courriel aussi. Là, donc, c'est vraiment un bon podcast. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu. Est-ce que mon micro marche bien? Est-ce qu'on m'entend encore en écho? Non, ça fonctionne très bien, moi. Ça fonctionne très bien maintenant? OK, d'accord. Parfait. On a une petite question dans le chat. Quand est-ce que le show va être live sur l'application? Ça va être dans la même application. Au lieu de faire trois applications différentes, ça va être Mac Québec, bien, MQ Mobile. Probablement que ça va être MQ Mobile 2.1, puis il va y avoir la section en direct. Je suis en train de travailler là-dessus. Il va juste me rester à ajouter. Dans le fond, c'est pas tant mon côté de travail, mais c'est plus nous, là, au niveau du podcast, quand on va pouvoir diffuser en live. Là, En shoutcast. Oui, via shoutcast. Une fois que je vais avoir un lien, moi, ma plateforme est préparée pour l'application, donc je vais rajouter ça, puis ça va être juste une mise à jour sur MQ Mobile. Faut dire que il y a des changements qui s'en viennent pour Mac Québec, dont on peut pas trop parler, mais là-dedans, il y a un changement de serveur et probablement que à travers ça, on va aussi avoir le shoutcast qui va être rajouté. Mm-hmm. On nous demande aussi en live vidéo, mais honnêtement, moi, je me trouve pas si beau que ça pour avoir à le proposer en vidéo, mais ça viendra. On a fait des tests cette semaine sur Livestream directement avec c'est Gab Gagnon qui m'a dit non, c'est possible. On a essayé, mais on peut pas avoir les trois feeds vidéo parce qu'on n'est pas au même endroit. Donc, il faudrait avoir comme plus de puissance que ce qu'on a. Et j'ai demandé à René Ricci de iMore.com. Donc, si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, vous pouvez aller voir iMore.com. Ils font des podcasts tous les soirs ou à peu près à propos du iPhone, iPad. Ils font des excellentes analyses. C'est en anglais. Et j'aime beaucoup, beaucoup le format qu'ils utilisent. C'est de très, très bonne qualité, tout ça. Mais le setup qu'il a, c'est comme 6 ordinateurs plus un Mac Pro plus... en tout cas, c'est du stock un peu cinglé. Fait que je vais essayer. C'est un bonhomme qui reste à Montréal. Je vais essayer de voir avec lui si je peux pas le rencontrer. Mais si vous allez sur iMore.com, pas là, vous nous écoutez, mais après le show, mettons, vous allez sur iMore.com, dans la section podcast, vous allez voir, ça prend vraiment toute la fenêtre, leur podcast, et plutôt qu'avoir des petites vignettes comme on a, pas très bonnes, c'est comme s'il y avait trois FaceTime, un à côté de l'autre. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Mais le setup qu'il m'a décrit, c'est quand même assez costaud. Tu l'avais contacté? Oui, je l'ai contacté. Okay. Il m'a décrit... il utilise 6 ordinateurs qui servent de relais Skype. Ils sont passés à travers une console pour être envoyés dans un Mac Pro. Et les feeds vidéo, eux autres, lui proviennent, je me souviens plus comment, mais il les réédite dans Wirecast, puis il les renvoie dans son vidéo, en fait. Fait que dans le fond, chaque ordinateur reçoit une espèce de feed, mais toi, tu le fais au niveau logiciel, tu reçois tes feeds, puis tu renvoies ça vers un lien vers Vocal. Voilà. Mais lui, il passe par une console au niveau matériel. Ouais. Mais chaque conversation Skype est faite avec un ordinateur. Fait que, tu sais, c'est toute la puissance d'une machine. Fait que c'est comme s'il faisait une discussion à plusieurs, mais c'est comme si, il me dit qu'il y a jusqu'à 6 machines probablement pour recevoir des appels ou avoir des invités ou des trucs comme ça, là, du monde en stand-by. Là, mais, il fonctionne sur Mac ou PC? Ah, il est Mac. OK. Ben, je pense que ce qu'il me disait, c'est que c'est 6 ordinateurs sous Windows 7 parce que Skype fonctionne quand même mieux sur Windows. Là. C'est un produit Microsoft. Les versions sont souvent plus en avant, mais oui, ça pourrait. Okay. Puis les gars sont en train de s'assiner dans le chat room. Effectivement, avec des VM, ça pourrait probablement fonctionner, là, mais il faudrait avoir une machine quand même intéressante. Là, on passe aux questions. Ben oui, ça te tente. Ben oui, parce que là, le monde, moi, ça s'est demandé si on n'a pas de questions. Là. Oui, on en a. On essaie de faire du remplissage. By the way, parlant des questions, justement, vous pouvez nous en poser, pas nécessairement directement dans le chat room, mais il y a un petit bouton en bas ici, et vous écrivez votre question et vous faites « Ask a question » et ça va se retrouver dans notre tableau de bord pour vous montrer la question. On utilise Vocal parce qu'on aime bien ça. Moi, je trouve ça cute. J'aime ça quand il y a du monde qui nous pose des questions. Donc, première question cette semaine qui nous est posée par Yvan Lefrançois sur Mac Québec Entraide qui nous demande s'il y a un moyen de vider la corbeille de façon sélective. Êtes-vous en mesure de me donner un cas de figure ou est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de vider sa corbeille de façon sélective? Ça pourrait être, je sais pas, là, tu mets bien des affaires dans ta poubelle, puis tu mets un fichier .dmg pendant que ton logiciel est en train d'être installé. Fait que tu veux pas effacer celui-là si jamais ton logiciel est mal installé. Tu veux juste le reprendre si ça n'a pas bien fonctionné ou sinon tu effaces tout. Ouais, j'ai pas vraiment expérimenté ça sinon. Moi, ouais, la seule raison que je ferais ça, ce serait quand je veux vider ma poubelle en format sécurisé. Quand il y a un trop gros fichier, ça prend bien du temps. Ouais. Si je pouvais juste déliter une affaire, je ne sais pas moi, un relevé de banque PDF, lui que je voudrais jeter, ça serait peut-être intéressant. Dans d'autres cas, pas vraiment. Il y avait une réponse sur Mac-Québec de Mac-Québec en train de Dean. Mm-hmm. One Trash, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel-là, ce que Dean nous donne justement sur Mac-Québec en train. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais c'est un petit logiciel comme il y en a un paquet sur Mac qui fait exactement ça, c'est-à-dire de pouvoir choisir dans la corbeille qu'est-ce que tu veux vider. Ben, moi aussi, j'aurais une suggestion, puis je crois, puis j'ai dit ça, puis je ne suis pas allé vérifier, mais Clean My Mac, il me semble qu'il y a une section corbeille, puis tu peux sélectionner pour les effacer spécifiquement. Je ne sais pas si c'est effacé de façon sécuritaire, par contre, mais juste les effacer, je pense que tu peux sélectionner tes différents fichiers. C'est à voir. Habituellement, c'est ce genre de logiciel-là gère effectivement ces cas de figure-là. Sinon, ben, il y a le bon vieux terminal qui probablement permet de sélectionner, mais là, il va falloir écrire le nom de chacun des fichiers qu'on veut effacer, ce qui peut être peut-être un petit peu long. On a des questions en ligne déjà. Biker Chief, qui est toujours là, et qui nous pose une question. « Salut, pourquoi mes photos prises sur mon iPhone ne se transfèrent plus sur mon iPad et mon Mac? » Donc, il faudrait nous préciser si c'est via iCloud ou quelle façon qu'ils transfèrent ces photos. Je ne sais pas, y a-t-il encore moyen? Non, je pense que c'est PhotoStream, c'est obligatoire. En ce moment, là, si tu veux que ça se synchronise sur toutes tes machines, c'est avec PhotoStream. Oui, mais ça peut être soit parce que ça fait plus que 30 jours ou parce que tu as plus que 1000 photos. Ah, OK, voilà. C'est les deux limitations qui... effectivement, là, parce que les photos au bout de 30 jours sont effacées de quoi? Sont effacées du photo serveur. OK, ouais. Mais sont toujours dans le téléphone. Sont toujours, ben c'est parce que quand tu prends une photo, d'habitude, il y a deux sections. Caméra, puis la section photo stream. Moi, j'ai un iPad, donc j'ai plus de photos. En fait, j'ai 1000 photos. Puis je me demandais pourquoi je pouvais pas mettre plus que 1000 photos. Puis dans le fond, j'ai tout de suite pensé que oui, tu as une limite de 1000 photos. Puis les vieilles photos aussi, tu peux pas les... Dans le fond, ils se mettent pas automatiquement dedans. Par contre, il y a un truc, quand tu as un Mac, puis tu as un iPhone ou un iPad, connecte le iPhoto, tu fais ton... tu connectes PhotoStream sur iPhoto, là, tu fais ta mise à jour, puis lui, il va enregistrer les photos qui sont dans PhotoStream sur ton ordinateur. Okay. Je ne sais pas s'il y a une fonction là, spécifique à cocher, mais d'habitude, ça l'enregistre automatiquement. Ça fait des événements, là, bon, un peu comme iPhoto d'habitude, mm-hmm. mais ça l'enregistre dans ton ordinateur au lieu de perdre les photos de ton stream. Là. OK. Excellent. C'est peut-être un petit peu hors sujet, là, mais ça parle quand même de photos, d'iPhone et tout ça. Cette semaine, il y a Dropbox, le service que j'aime beaucoup, qui a lancé une nouvelle bêta de son logiciel. Et une des choses que cette nouvelle mouture-là fait, c'est de permettre le téléchargement et l'upload direct dans ton Dropbox des photos qui seraient sur ton téléphone. Donc, c'est assez intéressant parce que ça les sauvegarde à un autre endroit que iPhoto. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à chaque tranche de 500 MB que tu uploads, et jusqu'à concurrence de 5 gigs, ils vont donc t'upload des photos et à chaque tranche de 500 MB, ils te donnent 500 MB de plus à vie, donc tout le temps sur ton compte Dropbox. Donc en ce moment, mon Dropbox, le Dropbox initial, c'est à 2 gigs qu'ils donnent, donc comme une clé USB de 2 gigs. Moi, mon Dropbox est rendu à 9,9 gigs. Et j'ai jasé un petit peu avec du monde sur Internet. Il y a même des gens qui, il y avait une magouille là, l'année passée ou il y a peut-être 2 ans, où tu pouvais aller sur un site web australien, aller te chercher gratuitement une adresse email EDU. Et cette adresse-là, tu la rentrais dans ton compte Dropbox. Et comme ils voyaient que c'était une adresse EDU, ils doublaient ta bande, la bande passante ou l'espace disque. Petite parenthèse, moi, je travaille dans une université. Ouais. Même quand c'est une université qui n'a pas .edu, parce que c'est juste aux États-Unis, mais les universités canadiennes, c'est .ca, disons, bien, ça fonctionne pour les universités. C'est ça, il faut en faire la demande, en fait. C'est quelqu'un dans... Fait qu'un étudiant ou un employé d'une université, si vous mettez votre courriel de l'institution, même si ce n'est pas .edu, ça va marcher, vous allez avoir le double. J'ai une question pour toi, par contre. Là, tu parles d'université, ça veut dire que cégep, le collège, ne fonctionne pas là-dedans? Je ne sais pas pour les cégeps. Ça devrait. Je ne sais pas, il faudrait voir, mais .edu, je ne sais pas si c'est... Ouais, je pense en fait, que... tu prends ton adresse, c'est facile, tu t'en vas dans ton compte Dropbox, tu prends ton adresse de cégep et tu remplaces le email que tu as mis actuellement par le email du cégep. Tu attends un 5-10 minutes. Ah oui, je dois avoir une adresse de cégep. Oui, je pense que oui. T'attends, c'est là que tes professeurs t'envoient tes devoirs et tes notes. Tu devrais en avoir une. Devoir, notes, c'est quoi ça? Je sais pas. Attends, peut-être, est-ce que Biker a donné un petit peu plus de détails dans la chatroom? Non, mais automatique. OK, merci. Il va regarder ça. Sinon, je veux juste faire une petite parenthèse, ouais. Alexis. J'ai essayé CleanMyMac, puis vous pouvez sélectionner un fichier. Vous n'êtes pas obligé d'effacer toute votre poubelle quand vous faites la mise à jour. Là, je sais pas quelle version que j'ai, là, mais. Dans les assez récentes, là, normalement, vous pouvez sélectionner juste un fichier puis l'effacer, là, le nettoyer sans effacer toute la corbeille. Merci beaucoup de la vérification. Pour revenir à la question de Biker Chief, la dernière réponse des fois, puis on n'y pense pas, mais mettons que pendant la semaine, tu as fait un changement de mot de passe puis que tu l'as fait sur 2 appareils parce que tu les avais à portée de main puis que tu ne l'as pas fait sur le 3e appareil, ça pourrait causer... Ce que tu décris, c'est-à-dire que tes photos ne s'uploadent plus, mais bon, c'est juste que, tu sais, des fois on oublie, là, tu sais, c'est comme « Ah, ton ordinateur, est-tu branché? Oui, oui. Ah non, il ne l'est pas. » Ça peut arriver. Puis là, pour les auditeurs qui nous écoutent en podcast, j'ai comme mimé que je regardais en dessous de la table si j'étais branché. Donc, voilà. T'as-tu regardé sur on enregistrait? On enregistre, on est à 19 minutes. Il y aura un podcast cette semaine. Bon, tant mieux. Ça, c'est la première question d'abord que tout le monde devrait me poser quand je commence les amateurs de Mac. Alexis, t'es-tu en train d'enregistrer? Oui, bien maintenant, moi, quand je me suis mis une alerte là, dans mon téléphone, ouais. Puis dans les détails, il est écrit « Vérifier si Alexis est parti son enregistrement ». Donc, inquiète-toi pas, là, je vais m'en rappeler à chaque fois. Moi, j'ai un client qui m'a appelé, j'étais sur la route, puis il m'a dit « Rappelle-moi quand t'es chez toi ». Puis j'avais mis une alerte géo-fence, géo-jardinage. Comment ça s'appelle? Puis quand j'arrivais chez nous, ça me dit... Ça, normalement, c'est quand tu arrives chez vous, ça te dit « Fais telle affaire, là, selon ce que t'es proche. » Mais j'avais oublié de l'enlever, fait que pendant une semaine, ça me disait de l'appeler. Je trouvais ça juste drôle d'arriver chez nous, ouais. Mon téléphone. « Oublie pas d'appeler telle personne. » Mais au pire, j'ai trouvé un logiciel, malheureusement, juste Windows. Là. Ça s'appelle FLV Grabber. Et ça fait un peu comme le RTMP dump. Là. On a une petite recette qui a passé vite, vite cette semaine de Pays du Charme. Je trouve ça un peu complexe, là, la truc. Mais le logiciel en question, j'ai réussi à enregistrer quelque chose de tout.tv qui est un site qui est assez difficile généralement à copier comme pour les vidéos. Ils ont mis assez des bonnes protections. Puis ça a marché. Donc, je me dis que peut-être que Vocal, ça marcherait. Je vais l'essayer à un moment donné, mais malheureusement, c'est chez Windows. Monsieur Ducharme, qui est pratiquement recherchiste pour l'émission maintenant, a effectivement écrit un petit article sur Mac Québec cette semaine. Puis j'étais comme moyen à l'aise là, avec ça parce que ça permet effectivement d'aller chercher des informations puis de télécharger les émissions qui sont sur tout.tv. Donc, il y a une recette, vous pouvez probablement la retrouver sur Internet ou, je ne sais pas, là, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui l'aurait copié, mis dans un dossier Google et qui sous contact privé pourrait peut-être partager l'adresse. Dans le fond, est en bas, alexis.com/le dossier. Mais non, c'est ça. C'est vraiment juste parce que, bon, c'est un petit peu touché. On a demandé à M. Ducharme si ça lui dérangeait. Tu sais, le gars, il a comme 14 ans, dans le fond, puis moi, je l'appelle monsieur tout le temps. ouais, c'est vrai. On sait pas. Fait que dans la licence, le contrat d'utilisation de tout.tv, c'est quand même dit que bon, c'est pas permis de le faire. Donc non, c'est ça. Voilà. Au niveau légal, Mac Québec. Tu l'as rajeuni pas mal, il y a 33 qui dit dans. Ah, bon. Excellent. Alors, mais tu sais. 14 ans, là. C'est un vieux Barbie de 30 ans. Je vais l'appeler Dude du Charme. Hey, un peu de respect pour les Barbies de 30 ans, jeune homme. Moi, je visais personne. Ouais. Ben, tu sais, après, tu sais, je peux même me défendre, là, Alexis. Là, je veux dire, après toutes les attaques que tu m'as faites, je peux même me défendre un peu. Là. C'est même pas moi, c'est JF. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, c'est toi qui retweetais, là, tu sais. On a une question pour toi, Vincent. Je veux m'acheter un iMac 27 pouces. Est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que je dois attendre la prochaine version? Oh, good question. C'est quand que le dernier iMac est sorti? C'est en même temps que les MacBook Pro l'année passée? Je pense que la dernière mise à jour date de mars-avril passé. Je ne suis pas certain. Ben, ça dépend des utilisations. Si ton ordinateur va bientôt lâcher, c'est sûr que je veux dire, c'est un bon choix. Là. Par contre, il faudrait peut-être attendre une mise à jour là, pour avoir vraiment les derniers processeurs, les derniers tout ce qu'il y a finalement. Là. Moi, je te dirais d'attendre si c'est pas pressant. Ouais. Mais c'est une question qu'on a déjà répondu dans une précédente édition du LAMB. Pardon. Ça dépend des besoins, ça dépend de l'utilisation qu'on va faire de l'appareil. Des fois, on n'a pas toujours besoin de la dernière technologie pour bien fonctionner. Mais en même temps, le meilleur temps, c'est quand on a de besoin. Si on est capable d'attendre, on peut attendre. Mais quand on ne peut plus attendre, ben aller l'acheter, là, l'appareil, parce que... Il y en a toujours un qui va sortir d'ici 6 à 9 mois. Donc, ouais, si toi, tu es déjà engagé dans la fenêtre puis que ça fait 3, peut-être 5 mois que l'ordinateur est sur le marché, c'est un peu plate que tu t'achètes une machine maintenant et que cette machine-là soit changée dans un délai qui est quand même court. Donc, c'est pour ça qu'on dit achetez-le quand vous en avez besoin. T'sais. Ah, dans 6 mois, je vais commencer à faire du montage vidéo. Ben, achète ton ordinateur dans 6 mois. Là. J'ai deux sites à vous proposer quand même. J'ai le Buyer's Guide sur le site macrumors.com. Donc, buyersguide.macrumors.com et le macforever.com/mac. Eux, ce qu'ils font, c'est comme il y a un baromètre là, du bon temps ou du mauvais temps pour acheter. Ah ouais, j'ai ça. Pareil. Donc, ainsi, je vous dirais qu'il y a beaucoup de codes jaunes et de codes rouges, très peu de codes verts. Donc, code jaune, ça serait peut-être un bon temps d'acheter. Puis un code rouge, c'est attendez. Genre, Mac Pro, il est dû, là. Mais on le sait. C'est ça la passe. Ils vont-ils en sortir un cette année? Un Mac Pro, on ne le sait pas. un MacBook Air avec tel nouveau processeur? On ne le sait pas. Donc, c'est des fortes chances. Ils vont vous dire, il y a des fortes chances, vous faites attention, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais personne à part des dirigeants d'Apple. Écoute, je veux changer de sujet, là, parce que on s'en fait le tour, mais puis j'ai vu le mot, puis ça m'a fait penser à un sujet que je voulais parler. Au niveau de l'encryption, avez-vous l'information encryptée sur vos disques durs? Faites-vous affaire avec un logiciel genre TrueCrypt ou FileVault pour faire des sections cryptées dans votre disque dur? Pour ma part, j'ai eu j'ai rencontré assez de problèmes avec FileVault, premier du nom, le grand-papa là, ou papa FileVault, que j'hésite vraiment à activer la fonctionnalité sur le 10.7, sur Lion. Mais il semble que FileVault 2 soit de beaucoup meilleur et qui encrypte pas juste le dossier utilisateur, mais vraiment tout le disque dur. Donc, c'est vraiment sécuritaire. Au niveau de TrueCrypt, je ne l'ai jamais essayé non plus, là, mais je ne suis pas du genre à... Tu ne travailles pas à NSA? Non, c'est ça, effectivement. Ben, de toute façon, tu peux mentir, là, tu ne le dirais pas si tu travaillais à NSA. moi, ce que j'ai fait, j'ai pris l'utilitaire de disque, je me suis créé une image disque... Sparse image? Then write, là, qu'on peut inscrire dessus, puis protéger, encrypter tout ça, puis j'ai mis mes rapports là-dedans. Bien, ouais, c'est une idée. Je n'ai pas vraiment besoin d'encrypter mon disque dur. De toute façon, de ce temps-ci, ma partition de recovery n'est pas là. Et Lyon refuse de la réinstaller. Tu as des petits problèmes, toi. Hein? Et, je crois que c'est dû avec Bootcamp, avec Parallels. Il y a eu un petit fuck avec ça. Donc, il va falloir que je clone toutes les partitions, que je recommence à neuf, puis je réinstalle, puis que je... Fatiguant. Je vais mettre une question en ligne et c'est la partie 2 de sa question. Donc, c'est Jonathan Laberge qui nous demande, quand il télécharge un fichier zip sur Internet, le fichier arrive dans son dossier download et il est unzippé automatiquement. Lui, il aimerait ça que ça reste en zip. J'ai pas la réponse directement. Je me souviens plus où est-ce que ce serait, honnêtement. Non, non plus, j'ai pas vérifié. Puis je sais que je pense qu'automatiquement, il prend le zip et il le met dans la poubelle aussi. Là. Oui, fort probablement. Mais ça doit être plus une ligne de commande que d'autres choses à ce niveau-là. On va revenir avec la réponse à ça. Ouais. Fait que je vais passer à une autre question, mais on va y revenir à la question de Jonathan Laberge. C'est vrai que dans certains cas, ça peut être intéressant. Il y a notre ami City Guidou qui nous dit que la semaine passée, on a parlé de Tweetbot sur iPhone. Et est-ce qu'on a essayé la version iPad? Oui, pour ma part, en fait, effectivement, je l'ai essayé. J'ai d'ailleurs mon iPad ici avec moi. Bougez pas. Et il est où? D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y avait pas de bon logiciel de tweet sur iPad. À mon avis, là, jusqu'à maintenant, là, TweetDeck était une horreur. Le seul logiciel intéressant, c'était celui de Twitter. Puis je trouve qu'ils managent leur plateforme. Tu sais, on veut utiliser Twitter de différentes façons. Il y a plein de logiciels qui nous donnent la possibilité de le faire. Puis je trouve que Twitter offre pas assez des possibilités qu'on recherche. Là. C'est vraiment un client de base, comme une radio d'auto. Une radio d'auto de base. Mais ça se présente comme ça. Puis je pense qu'il n'y a même pas moyen de le mettre droit. Je pense qu'il est vraiment fait pour être présenté comme ça. Dans la version iPhone, évidemment, on a moins d'informations. On est plus condensé. Mais là, on a vraiment un tableau qui est dépouillé, qui est très intéressant. Puis moi, j'aime bien la version. Mais j'avoue que je ne tweete pas trop à partir de mon iPad parce que je trouve que le clavier est trop gros. Tu sais, tu es obligé de te positionner comme si c'était un clavier d'ordinateur si tu veux taper rapidement. Moi, j'ai ma technique de doigté. Puis donc, je suis plus productif sur un vrai clavier d'ordinateur ou bien directement sur l'iPhone où je tape très, très rapidement. Donc voilà. L'avez-vous essayé? T'as-tu essayé, Bernard? Ben moi, j'ai mon propre clavier. J'ai le Zag Folio. Ah, oui, là. Oui, c'est vrai. Super bien. Mais t'as-tu essayé Tweetbot? Sur l'iPad? Ouais. Je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore essayé. OK. Je vais l'essayer. Juste pour la question de Unzip. Là, Jonathan Laberge, oui. Richard m'a répondu exactement la même chose que j'allais dire. C'est-à-dire que quand on va dans Safari, dans les préférences, dans général, on a une case qui dit « Ouvrir automatiquement les fichiers fiables ». Oui. Si on décoche ça, ça va éviter de décompresser les… And archives. Oui, c'est vrai. Voilà. J'imagine, je vois, quand tu essaies d'ouvrir un fichier zip, il va s'ouvrir. Fait que si jamais il te le demande d'ouvrir un document, normalement, il va comme le dézipper puis il va le jeter en même temps. Ouais. C'est vrai. Donc, le chemin, on irait dans Safari, préférences. Le raccourci, c'est pomme virgule pour ouvrir tous les panneaux de préférences. Et dans l'onglet général, il y a une petite case qui est tout en bas de ce panneau-là qui dit... En anglais, c'est « Open save files after downloading ». En français, ça doit être « Ouvrir les fichiers sécuritaires après les avoir téléchargés » ou quelque chose qui ressemblerait à ça. On décoche cette option-là et voilà, ça va arrêter de les ouvrir. Ouvrir automatiquement les fichiers fiables en français. Voilà. Sinon, on a d'autres questions. C'est le fun ce soir, on a des questions. On va enlever la question de Citi Guidou. On répond-tu à cette question? Non, on répond pas à JF. Là. Non, c'est ça. Puis c'est tout avec. Il est vasé. Croyez-vous à un ITV qui sera vendu chez Bell et Rogers selon les rumeurs? On essaye de pas commenter les rumeurs. Parce que, bon, il y en a de partout, des analyses, des ci, des ça. Tu sais, dire qu'il y a un nouveau iPad là, qui va sortir en mars, puis un nouveau iPhone en juin, ou entre juin et octobre, là, c'est pas de vin, là. Tu sais, c'est, je veux dire, il y en a un depuis 4 ans, là, fait que c'est pas comme une grosse chance que tu prends. Si tu tombes dessus, tu l'as. Si tu tombes pas dessus, ben bon. Moi, j'ai essayé de rentrer en contact avec Rogers pour signer un NDA puis aller voir la TV. Ils m'ont retourné de bord puis ils m'ont dit qu'ils commentaient pas les rumeurs. Bon. T'as-tu fait ça pour le vrai? Ouais, ben oui. Voyons. Je suis allé sur Twitter puis il y a une des filles du service à la clientèle de Rogers qui s'appelle Rogers Elise. Si vous avez besoin de service en français, elle est très gentille et elle ne m'a pas payé pour dire ça. Je pense elle était à Montréal au Geek Fest il y a un petit peu plus d'un an. Geek Fest qui reviendra dès l'année prochaine. Et j'ai essayé d'y écrire, puis c'est quelqu'un d'autre qui a pris comme l'appel, si tu veux. Et je dis, ouais, vous avez une TV, je veux aller la voir, je suis prêt à signer un NDA. Puis la fille, elle m'a répondu gentiment à la ligne de parti, là, tu sais, on commente pas les rumeurs. J'étais comme, damn, je veux voir la TV, je veux pas en parler, je veux juste la voir. Moi personnellement, je pense pas vraiment normalement, ils font pas affaire avec... Tu sais, je veux dire, si c'est disponible chez Bell puis Rogers, ça va être disponible chez Apple, un peu comme l'iPhone. Je veux dire, ça se vend chez Bell, ça se vend chez Rogers, chez Rogers, mais ça va être disponible sur le site d'Apple, puis tu vas pouvoir le... Si on doit commenter la rumeur, la nouvelle est sortie cette semaine comme quoi c'était chez Bell et Rogers parce que Apple cherchait des partenaires et ils commençaient un peu à être tannés de travailler avec les gros telcos américains parce que, bon, ils ne sont pas à genoux devant eux, là, puis tout ça. Fait quoi de mieux que les Canadiens, tu sais, qui vont dire « Oui, oui, viens tester ton produit chez nous », qui parlent un anglais, qui peuvent comprendre et, bon, tout ça. Et surtout des compagnies qui offrent de l'Internet et de la télévision. Et dont l'organisme qui les régit est complètement débile et fait pas les bonnes affaires. Comme aux États-Unis, SOPA, ils l'ont tassé. Ici, au Canada, C11, ça va passer full pin, tout ça. Donc, si Apple sortait une télé avec un Apple TV intégré, pourquoi les télés seraient chez Bell et Rogers? Ouais, c'est ça. OK. S'il y avait un terminal inclus dedans, peut-être. C'est ça. D'après moi, c'est que ce qu'ils ont fait, si ça existe, ce qu'ils se sont dit, c'est tellement de la marde, les terminaux qu'ils ont, les espèces de trucs là, scientifiques à Atlanta, puis tout le kit avec des interfaces qui ont l'air programmées, tu sais. Voyons, là, c'est là dehors, le gars qui l'a fait, le vidéoé, là, tu sais, c'est plus bon, là, c'est plus ça, là. Fait que, tu sais, c'est laid, c'est pas convivial, tout ça. Donc, Apple s'est dit, tiens, on va faire une télé dans laquelle on va permettre, tu sais, on va mettre la technologie qu'il faut pour faire un PVR ou un terminal HD ou tout le kit, puis on va les vendre via les fournisseurs. Peut-être que si on pense plus loin, peut-être que la télé va être 1500$, mais avec un contrat de 3 ans. Non, non, mais pense-y, c'est pas fou. Il te vend la télé à 600 ou 800$, le prix qu'une télé de 42 pouces vaut, mettons en ce moment, là, 46 pouces, mais il te la vend avec la technologie Apple dedans. Tu peux pas l'acheter en magasin. Puis eux autres, ils s'assurent que tu es avec leur terminal. Puis comme c'est avec la TV, ils s'assurent que tu restes avec eux autres pendant un sacré bout de temps, tu sais. Oui, mais là, les forfaits, pendant la première année, tu ne payes pas ton terminal, puis ensuite c'est 10$ par mois, ça c'est kick-out. Donc, tu es obligé obligatoirement de payer ton récepteur dans ton 1500$. Tu n'es pas nié avec la compagnie, genre Bell et Rogers, j'imagine que ça va être compatible. Mais si tu vas être avec Vidéotron, mange la merde. Mais ça serait quand même une télévision Sharp, mettons, là, les rumeurs, c'est ça que ça dit. Puis, ça serait chez Bell et Rogers. Ça serait, tu sais, si tu payes moins cher parce que tu as un contrat de 3 ans, le prix d'entrée est comme moins. Puis là, ils te disent, tu sais, moi, j'imagine les annonces là, avec quelqu'un qui cherche sa télécommande pendant je sais pas combien de temps, là, puis il la trouve pas. Puis là, il fait ah, maudite TV, si tu pouvais t'ouvrir. Puis la TV s'ouvre en arrière parce que Siri est dedans, puis qui est toujours en train de t'écouter, là, tu sais. Mais je me demande là, comment les annonces vont ressembler, parce que d'habitude, on voit toujours la même main. Mais je veux dire, là, ce ne sera plus la main. Tu sais, ça va-tu être le monde qui font la pub de Siri sur l'iPhone? Ça va-tu être... là, il y a comme un nouveau mouvement de publicité d'Apple qui va arriver. Là. C'est comme pas vraiment intéressant de savoir c'est qui la main qui va tenir, en tout cas. Ouais. Ouais, OK, là, si tu t'intéresses pas à ça, là... Mais selon les rumeurs, puis selon William Isaacson, je pense, qui a écrit le truc, la télévision devrait sortir en 2012, puis j'ai vu des endroits où ce qu'il disait 2013. Donc, c'est ça, mais c'est un... Tu sais, mettre un Apple TV dans une télévision, c'est pas intéressant. C'est zéro intéressant, justement, parce que ce que tu veux d'un appareil que tu branches à une télévision, si tu veux vraiment qu'il soit intéressant, c'est qu'il te donne du contenu comme le Apple TV ou comme d'autres Smart TV te donnent en ce moment, mais en plus qu'ils prennent le contrôle sur l'ensemble de ta diffusion de télévision. T'sais. T'imagines, tu es en train d'écouter une émission de TV, genre tu écoutes Tout le monde en parle, live, le vrai Tout le monde en parle, puis là, tu fais comme « Haha, c'est drôle » ou tu t'appelles Dominique Desbiens, tu sais, puis tu as ta Apple TV chez vous, puis là, tu fais comme « Tweet telle affaire. » Puis là, tu le dis à ta TV, puis là, ta TV, elle tweet directement, tu sais. Puis là, t'as comme... Ça serait malade, tu sais. Mais pour ça, ouais. Apple est obligé de le faire avec les fournisseurs, donc de mettre un terminal à l'intérieur de la... Puis quand je parle de terminal, je parle de terminal HD, là, les cochonneries qu'ils nous vendent là, pour pogner la télé haute définition. Genre PVR, là, quelque chose. Ben, PVR, c'est Personal Video Recording, mais il y en a juste. Ouais. C'est juste un terminal qui n'est pas enregistreur, mais qui est HD. Ouais, ça vient en ça. Ouais. Fait que pour réussir à. Vas-y. Pour avoir travaillé chez Vidéotron, je dois vous dire que je doute très fort que c'est véridique, cette nouvelle-là. Mm-hmm. Dans quel sens au niveau de. Ils ne reçoivent pas d'appareils à tester d'avance ou des trucs comme ça? Parce que eux, Bell, Rogers, Vidéotron, c'est pas juste des terminaux qu'ils vendent, c'est pas juste le tuyau qu'ils vendent, ils ont aussi les canaux. RDS appartient à Bell, Rogers ont CTV, ou je ne sais pas trop lequel, je pense que c'est Sportsnet. Ouais. Vidéotron, il a son propre canal, ils ont plusieurs canaux, puis bon. Il y a une question de contenu. Dans cette nouvelle-là, on ne parle pas de TELUS. Pourquoi que TELUS n'est pas là-dedans? Et pourtant, ils viennent juste d'en faire, ils viennent juste de le lancer, la télévision, en tout cas au Québec. Là. Optique, là, qui appelle. Ouais. Bon, ils ne contrôlent pas nécessairement juste l'appareil, ils contrôlent aussi le contenu. C'est des majors. Si Apple s'associe, je ne comprendrais pas le modèle d'affaires qu'il y aurait parce que Apple vend des films par le iTunes. Illico, ça appartient à. Indigo, ça appartient à Vidéotron. Il y a Super Écran qui appartient à Astral. Puis bon. Il y a trop de. Je ne sais pas. Je ne vois pas d'alliances naturelles qui se font parce qu'ils feraient concurrence à leurs produits à eux. Dans la vente de films, Vidéotron, il y a même un super club Vidéotron. Peut-être qu'ils vont faire un super club Vidéotron virtuel à un moment donné. Commence à être temps, sérieux, mais ils vont avoir de la misère à le faire parce que, de façon télévisuelle, le super club Vidéotron, ça s'appelle Super Écran. Et Super Écran est obligé de passer, ils ont une entente, je ne sais pas quoi, une affaire de clown, ils sont obligés de passer par Vidéotron pour être distribués. Fait que c'est une problématique. On nous dit, puis moi, je savais pas que ça fonctionnait comme ça, on nous dit que le Google TV se met en amont du terminal. Donc, lui, en HDMI, est en mesure de contrôler la télévision. Je savais pas que ça se faisait. Je pensais pas que c'était comme ça. Moi, j'aimerais bien avoir une TV Apple. Ça soit ça super intéressant. Moi, ma blonde vient de rentrer à la maison, donc je peux pas dire que j'aimerais ça, une télévision à Apple. Non? Comment non. Ça? Ben, parce qu'elle serait 1500$ d'après les rumeurs. Puis c'est sûr que tu ferais la file de toute façon. Ouais, c'est ça. Moi, j'irais faire la file pour la TV comme un cave. t'en achèterais deux, puis... J'essaierais de les revendre aux Chinois. Ouais, c'est ça. Avec pendant une couple de mois. Puis tu dealerais avec le gars d'Apple. Bon, en tout cas... Et non, ça te surprendrait bien. Tu sais, ils en vendent, eux autres, du contenu aussi. Apple vend du contenu. Ils sont un peu concurrents, à moins qu'il y ait des ententes par terre. Il y a toutes les ententes aussi, avec toutes les stations CTV. Tout. Donc, à moins que ça fasse partie de l'entente. Donc, on dit, on va aller chercher des émissions qui sont sur CTV, qui sont sur Global, qui sont sur TVA, puis bon, on fait un package deal, puis bon. Bien, il y a eu des décisions récemment comme quoi, justement, ils n'avaient pas le droit, parce que, tu sais, c'est deux choses. Là. Si tu es fournisseur de câbles, mais qu'en même temps que tu es propriétaire de stations, il y a une problématique, là, tu sais, à ce niveau-là, à dire, ben moi, sur mon service qui fournit du câble, je vais fournir mes stations à moi, mais je n'autoriserai pas Vidéotron à proposer des canaux de Bell. Et ça, la CRTC a bien dit récemment que tu n'avais pas le droit de faire ça. Si tu avais une station de télévision, elle était disponible à tout le monde. C'est arrivé. Bell, il y avait des canaux de TVA qu'il n'y avait pas. Il y avait RDS2 que Vidéotron ne voulait pas. Puis Bell ne voulait pas TVA Sport. Mais il y a aussi des autres canaux là, de genre Prise 2 ou Mademoiselle. Tout ça. Il y en avait une couple de Vidéotron qui n'était pas sur Bell encore. Puis, c'est les gens, c'est les consommateurs qui ont fait des pressions. Oui, mais là, CRTC a statué. Puis bon, ils ont dit que ça allait pas. Ils n'avaient plus le droit de le faire. Oui, c'est sûr, mais il y a eu quand même une pression des consommateurs aussi qui s'est faite là-dessus. Parce que c'est tout le concept de concentration des médias puis de tout ça, c'est justement, tu sais, il y a des problématiques. Aujourd'hui, il y a une décision qui est sortie de la Cour suprême, si je ne me trompe pas, qui dit que, c'est au Canada, qui dit que les fournisseurs d'accès Internet ne sont pas soumis aux lois du CRTC. Fait que là, ça veut dire que les lois du CRTC, par exemple, qui disent que... la loi de radiodiffusion. Oui, mais c'est les télécommunications, là, au grand complet, là, tu sais. CRTC, c'est Communication and... Mais il y a aussi... Ils contrôlent aussi les ondes, là, les fréquences. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est si un fournisseur d'accès Internet Donc, Bell est aussi est un fournisseur d'accès Internet. Vidéotron est un fournisseur d'accès Internet. Mais c'est aussi des fournisseurs. Donc, si d'un côté, mettons, je vais te donner un exemple, OK? En ce moment, Bell fournit de la télévision de deux façons. Soit par la soucoupe ou soit par de la télévision par IP, OK? La télévision par IP, c'est fourni par l'Internet. Donc, si un fournisseur d'accès n'est pas soumis à la loi du CRTC, tout ce qui dit, ben comme tu es un fournisseur de télévision, tu dois fournir à ceux qui sont abonnés à tes services, par exemple, un minimum de stations canadiennes pour être sûr que, tu sais, bon, tu n'as pas que des chaînes américaines. Mais ils ont juste à basculer puis dire, parfait, la loi ne s'applique pas du côté de notre service par Internet, la télévision par IP. Fait que, tu sais, c'est problématique. Les gars sont en train de se tirer dans le pied puis de dire, mais nous autres, on ne sert plus à rien pour la même compagnie. Oui, mais c'était surtout pour les questions de fonds, d'aide à la création de contenu. OK. Chaque câble distributeur doit avoir un fonds ou doit fournir une partie de revenus. Mais si je ne me trompe pas, Vidéotron, c'est sorti de ça. Bien, il s'est créé son propre fonds à lui. Oui, c'est ça. Donner quand même une partie, un pourcentage de ses revenus pour un fonds pour aider la création d'œuvres cinématographiques, télévisuelles, etc. Et il y avait un groupe qui voulait avoir la même chose au niveau des fournisseurs Internet, clamant que c'était un peu le même modèle que les câbles distributeurs. Donc, voulait avoir une espèce de fonds équivalent pour aider à la création de contenu. Puis, c'est là que le CRTC a statué que il reconnaissait pas les fournisseurs Internet au même, dans le fond, au même niveau que c'était pas des diffuseurs, en tout cas, qui devaient donc avoir un fonds pour aider à la création d'œuvres. On a encore quelques questions à répondre, pas en ligne, mais dans le document. Albert Dangwu sur Mac Québec Entraide qui nous a demandé, en fait, qui nous dit que lui, après la mise à jour de Mac OS X 10.7.3, qui est sorti cette semaine, si je ne me trompe pas, et qui a quand même entraîné son lot de problèmes, il faut le dire. Pour lui, en fait, le Wi-Fi ne fonctionne plus sur certains MacBook Air. Donc, comment on peut corriger le problème? Est-ce que vous avez des pistes de solutions, messieurs? Bien, la meilleure solution que j'ai vue, tous les problèmes, généralement, ont été rencontrés quand on a fait la mise à jour via l'outil automatique là, de mise à jour dans Apple. Et on suggère dans plusieurs sites de télécharger la mise à jour, le combo update là, qu'on appelle, donc la mise à jour combo, le télécharger et réinstaller cet installeur-là et ça devrait régler le problème. Pour expliquer un peu, là, le combo update, c'est un package qu'on peut télécharger du site de Apple. Et si vous êtes, par exemple, en 10.7.0 ou 10.7.1, ça va faire la mise à jour jusqu'à 10.7.3. Alors que le Delta Update, ça ne fait que mettre à jour de 10.7.2 à 10.7.3, c'est-à-dire de 1 incrémental. Le combo pèse environ 1.34 GB, alors que le Delta était à 1 point quelque chose, ou peut-être même un peu en bas de ça. Et depuis, ce que Apple a fait, c'est que dans la mise à jour de logiciel, dans l'outil de mise à jour de logiciel, ils ont remplacé le Delta par le combo. Donc maintenant, si aujourd'hui vous faites votre mise à jour à 10.7.3, vous allez faire la mise à jour combo et non pas la mise à jour Delta. Donc ça, c'est déjà une piste de solution. Jean-François dans le chat qui a dit que lui a fait un reset de sa... Reset PR, j'imagine qu'il veut dire reset de sa... C'est PRAM, oui. PRAM. Donc, essayez aussi ces recettes-là. Des fois, ça fait une différence. Là. Donc, ça vide un peu les mémoires et tout ça. Là. Il peut avoir des traces. Puis, pour savoir en fait laquelle des deux vous avez, c'est assez simple. Vous allez dans la pomme, faites « À propos de ce Mac ». Là, vous avez bon, la petite, le petit panneau qui apparaît. Vous avez la pomme, c'est marqué Mac OS 10. Et là, c'est marqué version 10.7.3, par exemple. Vous cliquez dessus une fois. Et là, vous allez avoir le build. Donc, le build pour la Delta Update, c'est 11D50. Alors que le build pour la Combo Update, c'est 11D50B. Donc, c'est comme ça que vous pouvez identifier laquelle des deux vous avez. Donc, si vous avez des problèmes avec votre ordinateur, ce serait de mettre à jour avec la Combo Update. Puis, à partir de là, voir si ça règle les problèmes que vous auriez eu. Sinon, bien évidemment, là, on l'a répété souvent, réparation des permissions qui peut peut-être, peut-être régler quelque chose. Puis le reset du PRAM, là, on n'a pas réellement de temps, mais on en reparlera un jour. Qu'est-ce que ça fait exactement, le PRAM, le SMS, le Power Management Unit, le PMU aussi. Donc, on fera un petit topo là-dessus. Peut-être, peut-être prendre en note et faire ça au prochain Lambda. Une petite... Land ou podcast, peut-être, faire podcast un petit capsule sur ça. Ouais, ouais. Mm. Sinon, la prochaine question, on n'a pas de réponse, ça ne nous arrive pas souvent. C'est-à-dire qu'on a une réponse, mais si on était en 2007. Tu sais. Donc, la question, c'est Martin Renault sur Mac Québec Entraide qui nous demande « Est-ce qu'il existe une application Mac pour créer un nouveau fichier via le menu contextuel, c'est-à-dire le clic droit de souris, comme sous Windows? » Donc, c'est une fonctionnalité que lui appréciait beaucoup sur, sur Windows, c'est-à-dire qu'on pouvait cliquer droit et dans la section « New », on pouvait créer un nouveau dossier, mais on pouvait aussi créer une pléiade de nouveaux fichiers, soit un fichier texte, un fichier Word, un fichier Excel, tout ça. Donc, c'est... Sans ouvrir les logiciels d'avance, dans le fond. Voilà, voilà. Donc, tu sais, tu pouvais t'en créer deux, trois facilement. Les gens qui travaillent avec des tableaux Excel puis qui font de la programmation puis des trucs comme ça, ils s'en créent deux, trois puis ils savent comme le schéma qu'ils veulent faire puis, tu sais, ils vont faire un fichier Excel qui va chercher de l'information dans un autre et tout ça. Fait que ils vont le créer comme ça. Fait que c'est assez intéressant comme, comme façon de faire. Et en fouillant un peu, en fait, j'ai trouvé deux logiciels qui permettaient de le faire. Mais malheureusement, ces deux logiciels-là, soit ne fonctionnent plus sur Lyon, ou soit ont complètement été discontinués. Donc, la réponse à la question, c'est non, à toute fin pratique. Par contre, peut-être un début de question que je n'ai pas nécessairement approfondi, c'est sur Mac-Québec Entraide, en fait, la réponse qui a été donnée à la question. Peut-être que via Automator, il y a moyen de fabriquer un Automator qui ferait ça. Donc, ça pourrait être une piste, mais là, ça demande en fait quand même pas mal plus que simplement installer un logiciel. Là. Ça demande un petit peu de programmation. Oui, une connaissance de base là-dessus aussi. J'ai mis dans le chat, là, j'ai trouvé ça vite, là. Oui. Donc, une petite explication, c'est OS X Finder, New File, Contextual Menu Item Using Automator. Ah, cool. Bon. Donc, excellent. Petit tutoriel. Petit tutoriel là, pour les gens qui vont nous écouter en reprise, on va vous donner le lien dans les notes du show. Ça se fait-tu? On le fait-tu, ça? Wow. Oui, je mets toujours les notes dans un article de Mac Québec où, si vous écoutez en AAC, là, vous allez voir l'icône, puis vous allez voir en haut, il y a une espèce de lien, là, il y a comme un point info, là, puis vous pouvez cliquer pour avoir le lien. Je vous laisse aller, messieurs, pour la prochaine question, mais je vais évidemment m'interposer dans la réponse. OK. C'est une question qui vient de Denis Lambert sur Mac Québec Entraide, qui me demande « Est-ce possible d'enlever pardon, une égratignure sur la vitre du iPad 2? Si oui, comment? » Toi, tu avais une réponse pour ça? Oui, ben, lis le début de la réponse, mais tu vas voir le plus long. Ben, juste lis la première phrase. Ou en tout cas, on va parler un petit peu des produits qui existent pour ça. Là. OK, ben toi, tu as rajouté qu'il y avait quelques produits qui existaient, dont iDrop. Oui. Tu avais aussi trouvé une recette assez ghetto. J'ai trouvé une recette, effectivement, sur Internet, en fait, parce que je cherchais là-dessus, puis je suis tombé sur la recette, puis j'ai fait comme « Wow, sérieux, si ça marche, là, tu sais, c'est un do-it-yourself écœurant. » C'est une recette qui est... En tout cas, je vais vous la décrire. Il vous faut, vous allez voir pourquoi c'est ghetto, il vous faut un linge microfibre, un œuf, du papier d'aluminium et du sulfate de potassium d'aluminium, ou en fait ce qu'on appelle en anglais de l'alum. Donc, c'est probablement de la poudre d'aluminium ou quelque chose comme ça. On nous dit que ça se trouve dans une pharmacie. Faut voir, ou sinon, ça se commande en ligne. Mais je pense qu'avec du savon, on peut construire des bombes avec ça. Bref, première étape, couper des petits morceaux d'environ 3 cm par 3 cm du linge microfibre. Ensuite de ça, vous prenez une cuillerée à thé d'alum et vous la mettez avec le blanc d'œuf dans une poêlonne. Vous faites cuire ça, en fait, ensemble, jusqu'à temps que la poudre d'aluminium se soit un peu diluée dans le jaune d'œuf. On dit, en fait, de faire ça à 150 degrés, ce qui devrait probablement pas cuire l'œuf, je crois. En tout cas, ça devrait le laisser quand même assez blanc. Et d'utiliser un thermomètre à bonbons pour s'assurer qu'on est à 150 degrés. Donc après, Fahrenheit, j'imagine? Oui. Après quelques minutes, on va enlever le mélange. Il ne faut pas trop le cuire, évidemment. On va enlever le mélange et on va tremper le tissu microfibre dans la mixture. Okay? Et le linge devrait avoir absorbé une bonne quantité de la mixture, là, être bien imbibé. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau de papier d'aluminium et on va déposer le tissu dessus. Puis si jamais vous le faites, là, faites-en une gang. T'sais. Faites-en pas juste un, là, faites-en une dizaine. Là, donc, tu prends un papier d'aluminium et t'étends tes petits morceaux de 3 cm par 3 cm ou 3 pouces par 3 pouces. Là. Mettons, tu vas avoir un bon carré. Donc, tu les étends sur un papier d'aluminium et tu fais sécher à 300 degrés au four ces petits carrés-là. Une fois qu'ils sont secs, après quelques minutes, là, quelques dizaines de minutes, j'imagine, au four, tu les prends et tu les rinces à l'eau froide 20 à 30 secondes. Tu répètes cette dernière étape-là, c'est-à-dire les faire sécher au four et les nettoyer à l'eau 20 à 30 secondes. Tu répètes ça 3 fois. Et finalement, tu laisses sécher le morceau au moins 48 heures, ou les morceaux que tu auras fait, au moins 48 heures à l'air. Une fois que c'est fait, tu vas avoir une espèce de tissu microfibre avec dedans une espèce de poudre d'aluminium agglutiné, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Et bon, pour ce qui est, je ne sais pas pour le reste, moi ce que j'ai lu, c'est que le iPhone étant équipé du Gorilla Glass, qui est une espèce de verre dans lequel il y a de quoi d'aluminium dedans. Le fait de frotter l'écran avec ça va faire que ça va remplir. Évidemment, là, si tu as scratché solide là, avec un scalpel ou quoi que ce soit, puis que c'est profond, ça ne marchera pas. Mais pour les petits scratchs ou les micro-scratchs qu'il pourrait y avoir dessus, ça devrait faire la job. De toute façon, moi, je vais l'essayer. Je trouve ça intéressant comme truc. Là. Je vais faire ça avec mes enfants, comme truc de fin de semaine, je ne sais pas quoi. Là. Dans le fond, on conseille iDrops. Ben, iDrops, ou en fait, l'autre truc que j'ai lu, c'est des espèces de cire pour les automobiles. Là. Il y a un produit 3M spécifique que le gars donnait sur le site, puis il disait ça marche super bien, mais tu sais, le problème, c'est que quand tu essaies des trucs comme ça, on parle de plastique. Du plastique, c'est fabriqué à partir de pétrole, tu sais. Puis si tu prends un truc qui est abrasif, tout ce que tu vas faire, c'est transformer ton appareil. Puis je le sais pour l'avoir déjà fait, là. Je vais vous raconter. Si tu nettoies un truc en plastique avec quelque chose d'abrasif, ça va juste ressembler à une patinoire. Et je le sais pour l'avoir fait parce que un jour, à l'endroit où est-ce que je travaillais, où est-ce qu'on vendait des ordinateurs, il y a une cliente qui était intéressée à un démo qu'on avait. Le démo était là depuis quand même un bon moment, puis c'était un MacBook en plastique. Et ma mère fait du nettoyage. Elle achète des vieilles affaires qu'elle revend sur eBay, puis elle nettoie un paquet d'affaires. T'sais. Puis elle nettoie du bois avec de l'huile du gaz à lighter. Fait que je dis gaz à lighter, c'est comme ça nettoie tout. T'sais, c'est comme un nettoyant universel. T'sais. Fait que là, j'ai pris comme le MacBook que je viens de vous expliquer qui est faite en plastique, donc à base de pétrole. Puis j'ai pris le gaz à lighter. C'est comme la mixture chimique, c'est du gaz à lighter, c'est fait à partir du pétrole, le plastique aussi. Puis quand ils couchent ensemble, ils ont tendance à vouloir retourner à l'état de pétrole ou liquide. Fait que j'étais en train de frotter comme son ordinateur, puis j'avais l'impression d'être comme Elvis Stoïko, tu sais. Puis là, je voyais comme les traces se faire sur son ordinateur, tu sais. C'était en train de scratcher. Écoute, c'était débile, là. J'étais comme... Je frottais, puis là, je ralentissais, puis là, j'étais comme... C'est comme, je continue. J'ai tellement scrappé le cover, genre. Fait que finalement, on lui a commandé un cover case de chez Apple neuf, puis on l'a remplacé, là, tu sais, puis mes employeurs me trouvaient vraiment épais. Mais, puis ils se sont bien foutus de ma gueule, mais c'est ça, faites pas ça. Fait que utilisez pas n'importe quel produit. Faites attention à ce que vous utilisez. Faites des recherches sur le truc. Mais iDrop, c'est drôle parce que la personne nous a posé la question, puis Jonathan Moreau, duquel je parle de temps en temps au podcast, là, qui nous a aidé à faire un des événements spéciaux l'année passée, je pense celui du iPad, justement. Donc, c'est lui qui m'a proposé le produit. Tu dis à madame, oh, mais il y a un avantage, vous pouvez changer votre disque dur maintenant. Tu vois l'intérieur de ton ordinateur, tu sais, c'est super, là. Canne d'air, tu peux nettoyer ça facilement. Plus de ventilateur, là, tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Tu les entends plus, rien. Non, un nouveau cube. Ouais. J'ai mis un lien vers une vidéo. C'est avec une pelure de banane. Ah! Apparemment que la pelure de banane. Aiderait beaucoup. Pierre Ducharme, il disait dans le chat que ça sert à farter les skis de fond. Ah, aussi. Oui. C'est bon. Tu sens la banane quand tu vas faire du ski de fond après. C'est excellent. By the way, la recette des trucs que j'ai donné, il semblerait que ça puisse aussi fonctionner pour des CD. Donc, je pense le dessous des CD. Des fois, il y a des scratchs qui se font dans le plastique du CD. Et en fait, le CD, là, la surface, tout le monde sait ça, là. Ou, en tout cas, si vous ne le savez pas, la surface lisible d'un CD, un appareil qui date des années 90, un média qui date des années 90, c'est sur le dessus que les données y sont. C'est sur la plaque de... La plaque de métal, si on veut. Tu sais, c'est de la poudre là, qui est mise dessus. Donc, la lecture se fait par en dessous, mais le plastique peut être scratché puis faire que... Épisode là-dessus sur comment c'est fait, il montrait comment que... C'est vrai? Il montrait le plastique par-dessus tout ça. On mettra le lien du torrent dans les notes de... dans les notes du podcast. La pâte à dents, je partais pour en parler. Ah! Les disques aussi, tu mettais une petite couche de pâte à dents, tu attendais que ça sèche, puis après ça, tu sors de nettoyer ça. Mais en fait, c'est que la pâte à dents, il y a un petit abrasif à l'intérieur, tu sais, pour que justement que ça enlève les saletés sur la dent. Ce que ça faisait, dans le fond, ça limait, là, tu sais, c'est comme un petit mini papier sablé. Fait qu'on on enlevait, dans le fond, la scratch. Là, je pense aussi que si tu prends un CD de rap, qui est comme Parental Advisory, là. T'sais, comme ils sac, puis ils disent nigga, puis tout le kit, là. Puis que tu le frottes avec de la pâte à dents. Je pense qu'il devient clean à l'écoute, là. Il est PG-13 après. Joke plate que je vais enlever dans post-prod. Hein. Ah! Non, je l'ai laissé. Merci. Alors, mais c'est tellement, tu sais, dire qu'on nettoie des CD à coups de pâte à dents, là, tu sais, puis... C'est, les compagnies nous vendent là, tu sais, sur Monoprice, il y en a là, des cossins que tu peux acheter puis nettoyer ton ordinateur là, tu sais, c'est bleu puis whatever. Ça coûte 50$. Ça coûte ben sur Monoprice, ça coûte comme 15$, mais tu vas en magasin puis ouais, y a-tu un produit pour nettoyer mon ordinateur? Oui, de l'eau puis du vinaigre, tu sais, comme ça lave tout, c'est sûr, juste que ça sent pas le Febreze, là, mais ça lave tout. Là. Ce qui se retrouve sur ton ordinateur, c'est du gras de tes doigts. Du gras de tes doigts, c'est super bien dilué par du vinaigre. Du vinaigre, t'en as chez vous, t'en mets une portion dans 5 portions d'eau, tu mouilles un peu ton ton microfibre, puis tu commences à nettoyer ton ordinateur, et voilà, c'est fini. T'as ça pour du vinaigre, là, t'en as, c'est 2$, là, une bouteille de vinaigre. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question, messieurs? C'est d'autres questions. Podcast édition culinaire, voilà. Oui, puis d'ailleurs, dans le chatroom, il y a du monde qui va aller voir ta vidéo quand tu vas faire ta recette dans ta cuisine. Hein. On mettra ça sur YouTube. Je vais demander à Bob le chef, genre. Je vais demander à Bob le chef s'il veut venir. S'il veut pas, je vais lui dire je m'en fous. Si je vais demander à Ricardo. Ricardo, il répond pas, puis il s'en fout. D'enregistrer ça, la petite recette dans la cuisine, la seule affaire, faut faire attention, je l'ai marqué dans le document. Si tu trempes ton affaire dans l'œuf, tout ça, de ne pas se mélanger avec une tranche de pain pour faire du pain doré. Là, ouais. Je mettrai d'ailleurs la recette que tu as mis dans les notes de l'émission sur Ma Québec. Oui. Donc, ouais, c'est ça, les biscuits à l'alu. Je vais demander à Bob le chef, je vais lui dire écoute, j'aimerais ça faire une capsule avec toi, mais c'est ça qu'on va faire à la place, comme manger. T'sais. On n'en mangera pas, là, évidemment, mais voilà. Je pense qu'il serait intéressé. On verra. Est-ce qu'on a d'autres questions, messieurs? Il n'y a personne dans le chatroom qui a des questions, non? Non, il est quand même 23h06. Oh oui, c'est pas grave, ça. Mais on a quand même... il nous en reste une. Non, deux. Oui, deux. Ouais. On va faire la dernière en premier. OK. Parce que c'est une réponse qui est plutôt straightforward, puis on peut en parler un peu. La dernière, en fait, c'est plus une question en développement, puis c'est un peu comme les rumeurs de iPad. Rob le Geek sur Twitter qui nous a demandé si j'achète un iMac réusiné sur le site d'Apple, il est seulement en anglais. Est-ce que c'est possible de le changer pour la langue française? Donc, c'est on va lui donner un titre. Là. C'est la question noob de la semaine. Parce que, c'est méchant. Non, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été en Macintosh. Là. C'est pas péjoratif. Là. C'est quelqu'un qui est nouveau sur la plateforme Macintosh. Fait que je vais laisser un petit peu Bernard répondre. Parce que moi, j'ai aucune idée de la réponse. Les utilisateurs Mac savent que bon le OS est multilingue. Donc, si tu choisis le français lors de l'installation ou de l'ouverture, ben, tu choisis ta langue. Donc, ça, c'est le premier. La seule question, ben, peut-être que ce serait une question de clavier. Mais encore là, on peut toujours s'en racheter un autre, là, au pire, là, si on n'a vraiment pas le bon clavier. Mais à part ça, non, il n'y a pas de problème d'acheter un appareil... Macintosh, là, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je suggérerais pour ce qui est du clavier, c'est probablement de communiquer avec Apple via la ligne téléphonique et peut-être leur poser la question s'il est possible de changer de clavier avant la commande. C'est sûr qu'on peut en acheter un à côté, mais ça fait quand même un 50$ de plus. Fait que ce que tu as économisé d'ordinateur sur le refurb, ben, tu le gaspilles en clavier que tu as déjà. Donc, en communiquant avec Apple, on devrait être en mesure de pouvoir s'arranger avec eux là, pour échanger ça. D'ailleurs... On peut le comprendre pareil. S'il vient du monde Windows, on sait que Windows sont forts sur la version Windows 32-bit Home, version 32-bit Home français, anglais. Premium. 4 Premium. Fait que, il y en a un paquet de versions de Windows que tu peux acheter. Tandis que le Mac, ben, tu n'as rien qu'une. À leur décharge, par contre, pour Windows, depuis Windows, j'imagine, Vista ou Windows 7, le choix de la langue se fait à l'ouverture du produit pour les ordinateurs achetés ici, mais c'est un one-shot deal. Si tu te trompes de langue, tu réinstalles ta machine au complet, alors que sur Mac, la langue se change à la volée. Donc, tu n'as même pas besoin, en fait, de redémarrer l'ordinateur. Tu t'en vas dans les préférences système, pardon, sous la rubrique dans 10.7, ça s'appelle langage et texte. Et en fait, tu as une liste des langues qui sont sur l'ordinateur. Et tout ce que tu as à faire, c'est de prendre une des langues et la glisser en premier dans, dans la liste. Et la raison pour ça, pourquoi ce n'est pas un choix de langue, mais bien une liste de langues et que cet ordre de langue-là est important, c'est que quand on développe une application, et en fait, Vincent nous le dira, je ne sais pas si c'est la même chose sur iOS, par exemple, mais sur Macintosh, quand tu développes une application, ton application, la langue de départ en arrière, c'est tout le temps l'anglais, souvent. Mmh. Mais tu peux être un développeur japonais et ta langue, ça va être le japonais. Ta langue de développement va être le japonais. Donc, tu as deux manières de faire. Soit tu fais juste du japonais, soit tu fais la version en anglais, puis tu as un espèce de petit document, je pense que ça s'appelle InfoString, je sais pas trop, là. Je m'en rappelle pas du nom exact, mais tu mets la définition en anglais, puis ensuite tu mets la définition en japonais, puis ça va faire la traduction automatique d'après le langage de ton iOS. Là. Si jamais tu as un iPhone en japonais, il va faire la traduction rapide. Dans le fond, tu verras pas la différence. C'est là que la liste est importante, parce que admettons que tu as fait ton développement en japonais, OK? Mm-hmm. Et que dans ta liste de langage, tu as français, japonais, anglais. L'application, elle, ils ont mis le package anglais avec. Il n'y a pas de problème, OK? Sauf que dans le package de l'application, il n'y a pas la langue française. Donc, ton système va aller à la deuxième langue de ta liste, dans cette liste-là qui se trouve sous langage et texte. Et là, ça va être japonais. Puis là, tu vas faire, l'application va dire, ben j'ai pas le package français, donc je vais utiliser son deuxième choix. Oui, c'est le premier langage que ton système va être, mais pour des applications qui n'auraient pas, par exemple, ton premier langage, c'est le français, l'application n'a pas été faite en français, il va donc aller chercher le deuxième, le troisième langage dans ta liste pour voir si cette langue-là, il la connaît, et c'est celle-là qui va t'afficher. Donc, mettez français, ensuite anglais dans cette liste-là, puis après ça, mettez-les dans l'ordre que vous voulez, là, ça ne dérange pas vraiment, mais c'est une petite notion qui est intéressante à savoir. Le chat, excuse-moi Vincent, on dit que le Windows 7 Ultimate, lui, a des language packs, donc ça requiert juste un reboot pour faire le changement. Moi, je dirais aussi que quand j'ai déjà réinstallé ou fait une réparation de Windows, je ne me souviens pas si c'était... Il me semble que c'était la version 7. Et il fallait que je redémarre, mettons, en français, puis j'essayais mon mot de passe, puis ça ne marchait jamais. Puis j'ai découvert que c'était le français de France qui prenait. Ah, voilà. ZERTY. Donc, c'était le français de base dans récupération. Il fallait que tu fasses vraiment là, le clavier AZERTY. Pour que ça marche ton mot de passe, mais tu ne pouvais pas le faire. Bon. Ce que je veux dire, c'est n'oubliez pas ceux qui font ils font un gros nettoyage dans votre ordinateur, puis vous prenez ClimaMac, puis vous enlevez les langues. Je veux dire, c'est sûr que vous ne pourrez pas aller chercher d'autres langues vu qu'il ne sera pas dans votre système là, pour normalement garder français et anglais, là, parce que je veux dire, maintenant anglais avec ClimaMac, vous ne pouvez plus l'enlever. Puis il faut pas l'enlever parce que justement le système tourne autour de ça. Il prend l'anglais puis il traduit en français. Un fichier info comme tu disais, là, info.plist ou je sais pas quoi. Là. Ouais, InfoString, je crois, là, je suis pas sûr. Ouais. Bon, ça répond à cette question-là. Maintenant, la dernière question, c'est Rob Forgeek qui nous demande sur Twitter. Non, c'est Lou 1987, on vient d'y répondre à Rob Forgeek. Donc, Lou 1987 sur Twitter qui s'interroge sur le futur de macOS 10 et à qu'est-ce qu'on peut s'attendre des prochaines versions s'il y a des gros changements en vue. C'est une question qui est... À développement. Ben oui, mais qui est très éthérée parce que il n'y a pas eu de Worldwide Developer Conference encore, qui habituellement est en juin, et où il donne des pistes ou des petits indices de où est-ce qu'ils s'en vont. Du moins, c'est ce qu'il avait fait pour Lyon. Mais c'est une nouvelle façon de faire pour Apple. Avant, il disait, on va sortir la version à tel moment, puis il n'y avait pas vraiment beaucoup d'informations qui leakaient de ça. Mais effectivement, on n'a pas encore entendu parler du prochain félin et de savoir même si ça va être un félin ou si on va passer à macOS 11, par exemple. Peut-être, puis aussi, il ne faut pas oublier non plus que, je veux dire, ça fait pas un an. Non, développeur, ça fait très long, ça fait quand même un certain temps qu'ils l'ont, mais Lyon, est pas, ça fait même pas un an encore. Puis quand Léopard des Neiges est sorti, on, je veux dire, ça a pris plus qu'un an avant d'attendre, de commencer à entendre parler de Lyon. Là. Effectivement. La rumeur qu'on entendait cette semaine, c'était d'avoir le OS X sur un iPad, apparemment, que si on a tel processeur ou telle affaire, qu'apparemment, qu'ils pourraient développer pour venir en concurrence à Windows 8. Ah, oui. Sur les tablettes. D'ailleurs, je vais en reparler au prochain podcast Mac Québec. Là, la semaine passée, j'avais fait une prédiction au niveau du changement, d'un changement de processeur. Puis il y a quand même eu certaines choses cette semaine qui se sont passées, certaines nouvelles, là, mais je vais en reparler plus dans le podcast Mac Québec. Il y a le ZFS qu'on entend parler, qui est un format de formatage de disque dont on a parlé, je pense, quelques fois au podcast, puis qui permet en fait de gérer là, des terabytes et des terabytes de disques durs sans problème, là, parce que le HFS Plus ou du NTFS ou un autre, là, c'est bon. Donc, il y aurait ça dedans. Puis la tendance, évidemment, qu'on voit, c'est le rapprochement entre iOS et macOS 10. C'est, peut-être que ça ne tentera plus parce que c'est trop fatigant, trop plate, trop je sais pas quoi à Apple de développer des ordinateurs comme on les connaît. Peut-être qu'ils vont juste s'en aller à moyen ou à long terme vers la tablette puis le téléphone. Puis, tu sais, en présentant des trucs comme le post-PC era, peut-être que c'est ce qu'ils vont faire, tu sais. Mais bon, pour l'instant, prochaine version, moi, je verrais peut-être des améliorations au niveau du Finder que je trouverais intéressantes. Mail aussi, tu plaignais de la recherche de mail. C'est un problème que j'ai réglé. J'ai fait un rebuild. Il y a une option là, dans Mail qui permet de rebuilder. Puis en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il réindexe les emails. Je croyais l'avoir déjà fait, puis ça ne marchait pas. Puis là, je l'ai refait avec rebuild, puis ça a bien fonctionné. Puis, évidemment, probablement une meilleure intégration de iCloud, c'est-à-dire peut-être iCloud 2 qui ressemblerait plus à Dropbox, puis peut-être éventuellement ramener des fonctionnalités qu'on aurait perdues de MobileMe aussi. Là. Donc, ils vont faire une sortie en disant j'ai chialé le monde de iCloud. iCloud 1, ça allait mal. Je sors iCloud 2, oubliez ouais. iCloud 1. Je m'excuse pour iCloud 1. C'est ça. Steve était malade ou whatever, là, je sais pas quoi. Là. Donc, peut-être une meilleure intégration de iCloud. Peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de temps. Ils se disaient, avec nos 100 milliards de dollars, on peut sûrement acheter iCloud. Puis le gars leur a dit, non, moi, je m'en vais faire ma patente. Puis je vais être milliardaire de mon côté, tout seul, sans toi. OK. Une question à un auditeur en anglais. On va le traduire sur le chat, la réponse. We'll translate your question, Michael. After we will answer the question in French. So, it's about my eMate. eMate 300, c'est quoi eMate 300? C'est une vieille cochonnerie d'avant que Steve Jobs revienne chez Apple. C'est un gag, le gars, il te demande si. C'est un peu après le Apple 2, là, quelque chose comme ça. Là. Fait que. Et jusqu'à eMate 300, puis que j'avais pas vu le reste parce que mon pied de micro me cachait la ligne. Donc, est-ce que vous recommanderiez de monter le processeur et la RAM ou de juste acheter le 2100? You're serious. Sorry. Ça date de 98, résolution de 480 par 320, donc le iPhone, mais iPhone 3G, 3GS... Mais, ouais, c'est ça, en termes de puissance. Why you still want to use that? Is it for nostalgia purpose or something like that? I own and use one. They are serious durable. I know it's done come since I just pick up 30 okay. bucks on eBay. Mon Dieu. That's fine. You're lucky. Hein? The text recognition is great. OK, il l'a acheté sur eBay. Sur eBay pour 30 dollars. Voilà. Ça fonctionne bien. Beaucoup de Newton aussi qui circulent récemment. Il y a bien des gens qui revendent ça. Well, honestly, we don't know much about the product. It's an old product. I wasn't even with Apple at that time. I was 6 years old, so... Malade. Il dit jamais. Il avait un an, lui. Il avait un an, donc okay, quand ouais. même. C'est donc, écoute, je honnêtement, je sais pas, mais je pense que pour 30$, je vais aller m'en chercher un. Quasiment, hein? Juste pour essayer, ouais. Ben oui, ben oui. Where you come from? Where you coming from, Michael? Prendre 2-3 secondes que je vais couper dans le podcast. US. US, OK. Yeah. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que... Parce qu'il dit que la reconnaissance de texte est très bonne. C'est un appareil avec un écran que tu peux écrire dessus. C'est un espèce de Newton, j'imagine. Ouais, mais c'est très large. Puis c'est une espèce... je peux aller chercher... Je pense Tape e-mate 300 sur Wikipédia. Je pense que c'est une tablette éducationnelle. C'est comme le premier iPad que Apple a voulu faire puis a voulu en mettre dans les écoles. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est facile de prendre le texte, tu sais, t'écris là-dessus, lui, il le transforme en texte, peux-tu le prendre et le renvoyer facilement sur quelque chose de plus récent, tu sais? Mettons, pour le monde qui voudrait vraiment écrire en texte, parce que, ben, en fait, il faut dire que la technologie qu'il y a dans cet appareil-là s'appelle Inkwell. Et elle est disponible encore aujourd'hui dans les dans OS X. Pour pouvoir y accéder, il faut deux choses, si je ne me trompe pas. L'application Inkwell, ça se cache très, très profondément dans les dossiers système. Puis, il faut avoir une tablette tactile à l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Personnellement, pour l'avoir essayé, même sur un gros Mac Pro, là, où on avait installé une tablette, ça ne fonctionne pas super bien. Peut-être que c'est le fait de regarder un écran versus écrire sur une tablette qui te fait écrire comme un enfant de 4 ans. Mais peut-être que sur une touchscreen comme un e-mate, peut-être que ça peut être intéressant. Ben, tu peux utiliser un style, un espèce de stylus pen, là. Donc tu sais, une espèce de stylo pour toucher l'écran aussi. Ben c'est ça, mais Inkwell, en fait, c'est la technologie, parce que quand ils ont jeté ils ont arrêté là, le développement de Newton à un moment donné, puis ils se sont dit on touche plus à ça. Mais ils ont pas la technologie, ils l'avaient développée, fait qu'ils l'ont gardée et ils l'ont mis dans le système 10. Donc en fait, Inkwell sur le système 10, c'est des restes, si tu veux, de cette technologie de reconnaissance d'écriture là. Fait que ça vient avec 4 mecs de mémoire qu'on nous dit. Peut-être que la question, ce serait actuellement, l'appareil, tu le trouves pas assez rapide. C'est pour ça que tu voudrais l'améliorer au niveau mémoire et processeur. Tu peux augmenter le processeur là-dedans, c'est malade. C'est un processeur ARM, je sais pas trop. 25 MHz ARM 710A RISC processeur. OK. Si vous voulez voir un malade, là, un collectionneur d'Apple, là, je vous ai mis un lien. apple-collection.com. C'est un site en français. Puis il collectionne les pubs, il montre sa collection d'appareils Apple, ses jeux matériels. Là. Un maniaque. C'était cute quand même, ils vendent ça 78$ le e-mate. Et puis il est au complet, hein? Il est tout équipé, celui que tu nous as présenté. Puis le Shows Collection, oh, il y a du vieux stock lui, hein? D'ailleurs, si vous allez sur Apple Collection, dans le haut, il y a une petite photo avec un Apple 1, je pense. Puis le logo d'Apple avec la pomme avec laquelle on a joué avec les couleurs pour le logo des amateurs de Mac, bonsoir. Mais le Apple, il était écrit exactement comme ça. C'est le vieux logo, là. La vieille écriture et tout. Quelle photo? Le vintage. Ben, sur applecollection.com, là, j'ai une... Ah, mais c'est une série de photos Flickr, fait que peut-être que c'est pas les mêmes que t'as. Mais donc, sur le site Apple Collection, dans le haut, là, j'ai 5 petites photos. Puis la, celle du milieu, là, c'est un Apple 1. Là. Apple, c'est un... Non, c'est une carte de Apple 2. C'est un Z80 soft card de Microsoft. Wow! Vieille affaire. Bref. Can I just came with a damage 8-pin mini-DIN and an unoriginal stylus. Hmm. But you bought it for $30 instead of $78. That's a good deal. Mm-hmm. Is there an iTunes store, app store on that? Nope. Damn. Donc, écoutez, c'est bien drôle, mais on va mettre fin au show de cette semaine. On espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes deux acolytes, M. Miller. M. Miller, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? DEV V. Miller sur Twitter, donc en dessous de la caméra, ou mon site web vmiller.ca. Donc ça. Et si je ne me trompe pas, tu as décidé de faire les applications d'à peu près tous les podcasts ou à peu près de la planète qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas avoir aujourd'hui soit du push notification, de la vidéo built-in puis tout le kit, mais quand même de très bonnes applications pour tout ce qui est. J'aime ça comment tu t'établis ça. Tu me rentres dedans, puis ensuite, tranquillement, ça... ça revient. C'est pour te pousser à sortir l'application plus vite avec le push notification. Ben, c'est pas le même style d'application que ce qui va être fait. Nous, on va avoir une application qui va être en direct, qui va nous dire si c'est en live ou pas. Okay. Puis ça va être le podcast de Mac-Québec avec les amateurs de Mac Bonsoir. Dans le fond, ça va vous dire lequel est en live en ce moment. Okay. Tandis que les autres applications, c'est... C'est au niveau du podcast déjà enregistré, donc il n'y a pas de live. Ah, okay. Puis il y a différents liens vers le contact, le facile. Je donne par exemple 3 bières où vous pouvez poser envoyer un sujet pour l'émission facilement. Ou Tumblr qui est disponible facilement aussi. Là. Avant que tout le monde s'en aille, je vais réitérer notre concours. Je devrais peut-être plus en parler en début de show pour que les gens participent, parce qu'à date, on va se séparer le 30$ à 3. Il n'y a comme personne qui nous a envoyé de liste. On a un concours pour gagner une carte de 30$ à la coop informatique de l'UQAM. Et on a décidé, en fait, et c'est Pascal Beausoleil qui nous a proposé ce jeu-là, on a décidé de la donner à la personne qui nous enverrait la liste la plus exhaustive de produits Apple, et non pas de produits de third party, là, mais bien des produits Apple ou n'importe quelle mention de Apple d'un i quelque chose. Donc, la raison pour laquelle le i est utilisé historiquement, c'est pour intérim. OK, si les gens ne le savaient pas, c'est parce que Steve Jobs revenait chez Apple. Donc, le i, c'était pour CEO par intérim. Et là, il y a un petit indice, by the way. Et donc, dans n'importe quel... c'est comment on appelle ça, le papier de presse là, qui sort, en tout cas, quand ils font des revues de presse, quand ils, dans des URL, il peut y avoir, dans des URL encore en fonction aujourd'hui de Apple, il peut y avoir des produits qui s'appellent i quelque chose, des trucs comme ça, donc iPod, iMac, tout ça, tous les logiciels aussi qui peuvent commencer par le i quelque chose, passer et présent, mais évidemment pas futur. Fabriquez-en pas, ça ne marchera pas. Donc, la liste la plus importante. Et si vous le faites, vous allez arriver assez facilement à peut-être une douzaine, une quinzaine de produits à quelque chose. Mais le gars qui nous a proposé le jeu, il s'est rendu à une trentaine. Il y en a peut-être d'autres que ça, mais lui, il est rendu à une trentaine. Donc, ça va être la personne qui va avoir le plus de mots qui sont bons, on va les faire vérifier, qui va se mériter la carte de 30$ à la coop informatique de l'UQAM. C'est un cadeau qu'ils ont décidé de faire à nos auditeurs. Puis en fait, s'il y a personne qui participe, ils vont s'être payés la publicité la plus écœurante ever, parce qu'on va les mentionner jusqu'à temps qu'on aille donner la carte. T'sais. Fait que là, ça prend 6 mois avant de recevoir une maudite liste. Faut donner la carte. Mais on a dit que ça allait être 1 mois maximum. T'sais. Après ça, je prends la carte puis on s'en va chercher des stylus à la coop pour nos iPads. Donc, essayez de la gagner puis on vous souhaite bonne chance. IBM, ça marche-tu? Non, malheureusement, ce n'est pas un produit Apple. IBM, c'est pour International Business Machine. Mais on parle de iPad, iPod, iMac. Et là, vous ne pouvez pas faire iPod Touch, iPod Mini, iPod Nano, iPod Classique, iPod 5G, iPod 20G, iPod U2. Ça ne marche pas. Donc, iPod, c'est iPod. On vous en donne un. iMac, c'est iMac. On vous donne celui-là, mais c'est pour faire comprendre un petit peu les règles du jeu. Donc, on espère que vous participiez en grand nombre. Et puis, sinon, on se retrouve à la prochaine fois. Bernard, est-ce que tu nous as dit où est-ce qu'on pouvait te trouver? Je recommence. Je suis sur Twitter, @cybernard. Et je ne suis pas sur PAF, donc je ne me ferai pas prendre mon carnet d'adresse. Ah, c'est bon ça. Moi, je suis sur PAF. Puis j'ai averti mon monde. Je pense pas, par contre, que c'était intentionnel de la part de PAF, qui fait une très, très belle application que je suggère fortement à Google Plus d'acheter s'ils veulent continuer à vivre. Pour ma part, on peut me trouver... est-ce qu'on te trouve encore, toi, d'ailleurs, sur Google Plus ou de moins en moins? Écoute, je suis sur Google Plus, mais... Je ne veux pas vraiment le voir, honnêtement. Moi, je ne comprends pas. Il y a comme plein de monde qui continue de me suivre. Puis je suis comme, je suis jamais là. Ouais, moi aussi, hein, il y a bien du monde qui me met dans des cercles. Je reçois plein de courriels. J'ai été rajouté dans un cercle. Mais moi, la dernière fois que je suis allé, c'est pour essayer un hangout pour le podcast. Puis les seuls temps que j'y vais, c'est pour ça. Fait que... Je pense que je vais essayer d'envoyer mes tweets sur Google+. Mais là, je ne sais pas si ça se fait. Oui. Petitionner Dropbox. Hein? Google va sortir quelque chose pour compétitionner Dropbox. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai lu ça de Dominique Desbiens aujourd'hui sur Twitter, que je vous suggère de suivre. Ce monsieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui... Puis je dis Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que je me souviens plus duquel des deux il est. Là. Il est Chicoutimi, fait que ça doit être Saguenay. Qui en fait donne de très bonnes informations technologiques. Fait que un petit Follow Friday à Dominique Desbiens. Pour ma part, pour finir ce show de 1h33, et plus il est long, plus le montage est long, vous pouvez me retrouver sur Twitter au alexcornelier.com et si jamais vous arrachez les cheveux parce que vous êtes incapable de programmer une fonctionnalité Apple sur votre machine ou avec votre routeur sans fil ou quoi que ce soit, ben vous pouvez faire appel au service de Mac Québec sur le site de Mac Québec ou en envoyant un simple courriel à service@macquebec.com. By the way, pour le concours, vous nous envoyez ça à concours@macquebec.com. Donc, ça met fin à notre show de cette semaine. Je passe un très bon moment à votre compagnie, messieurs. Fort agréable, oui, comme d'habitude. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine où il y aura un podcast Mac Québec et les amateurs de Mac. Bonsoir. Bye-bye.